Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Bolduc. Il y en a peut-être qui ont entendu parler il y a quelques années d'un sculpteur à Québec qui disait sur sa sculpture, sur cette murale plutôt, arrêtez de mourir, bande de caves. Ça me fait penser, ce titre ce soir fait penser à ça. Intelligence qui crée l'involution. C'est à savoir pourquoi on appelle ton l'involution l'évolution. Parce que finalement, c'est ce qu'on peut sous-entendre un petit peu. Moi, ça me gêne bien gros parce que je me sens pas bien de me faire dire que je suis évolué puis que j'involue. Ou que j'involue puis que j'ai évolué. En tout cas, ça, vous voyez qu'est-ce que vous voulez. Ça apporte de la confusion. On se demande qu'est-ce qui est intelligent dans tout ça. Puis ça me fait rien qu'il y a juste quelque chose qui veut chialer en dedans de moi parce que c'est. J'en ai ras-le-bol de ces histoires-là d'intelligence qui crée l'involution. Ça veut dire des choses, puis ça veut dire rien. Invitons Daniel Kemp. Il va nous exprimer ça de son point de vue. Et puis je vais y aller de mes questions. Sur le feuillet qui publie tes différentes conférences, qui annonce tes différentes conférences, on peut lire l'homme vit de haut et de bas. Surtout depuis que les ascenseurs existent. Effectivement. Il peut avoir une relation avec la nouvelle technologie ou avec différents éléments d'expression chez l'homme depuis un certain temps. On dirait que les choses vont de plus en plus mal ou de plus en plus bien, mais on ne sait plus si on est dans le bien ou dans le mal de toute façon. Parce que on se demande si le bien n'est pas aussi une illusion ou nous faire à croire que tout va bien, puis que finalement, il n'y a jamais rien qui va bien. Ben effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va bien sur la planète. Puis si on recule très loin en arrière, ben c'est sûr qu'un jour, l'humain a découvert le feu. Il y a un volcan qui est venu cracher sur son village. Il a découvert le feu. Et à un moment donné, il a découvert la roue lorsque des roches lui ont passé sous le corps. Plus tard, elle a découvert la puissance d'un bâton lorsqu'il s'est fait taper dessus par quelqu'un d'autre. À un moment donné, elle a découvert la puissance du cheval, lui permettant de faire des guerres plus puissantes. Et on a découvert le sexe, ça n'a pas été long. Ils n'ont pas découvert avant? Mais une chose certaine, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de skidou. Alors, les indigènes traînaient sauvages, je sais pas, ils traînaient bonne femme par les cheveux. Moi, pas skidou, moi, traîne sauvage. Si on regarde l'évolution complète de l'humain, l'invention de la boisson, du vin, génial. Le vin devient aigre à la longue, servi dans des vases de plomb, ça crée des particules hyper toxiques qui font en sorte que l'Empire romain s'écrase par dissolution neuronique. Ça va bien. L'Espagne arrive à une apothéose. Qui connaît l'Espagne aujourd'hui? Portugal arrive à l'apothéose. Portugal, des grands conquérants. Tout le Brésil, à un moment donné, était une colonie. Ça parle le portugais au Brésil. Mais c'est quoi le Portugal? C'est où? L'Italie, la Rome. C'est l'Italie. Dis franchement, pas fort. L'Égypte, génial. Va en Égypte aujourd'hui. Tu cherches l'Égypte. Oh, ils sont fiers de montrer leurs grands monuments. Qui se rappellent même pas, on aurait pu les importer et puis leur dire qu'on s'est bâti là, ils nous croiraient. Tu cherches l'Angleterre qui avait des colonies. L'Angleterre, l'une des petites colonies qu'elle a construites, les États-Unis d'Amérique, sont maintenant 300 fois plus forts que l'Angleterre. La France, on connaît l'Algérie, on connaît la Polynésie française, on connaît les grandes parties conquises par la France. Mais la France aujourd'hui, pas fort. Et on peut en nommer les pays, la Mongolie, la Chine, qui ont déjà eu leur heure d'apothéose, les Japons, et etc., etc. Puis aujourd'hui, il y a eu le pétrodollar à un moment donné, c'était intéressant pour l'Arabie. Mais aujourd'hui, le pétrodollar, ça amène des guerres, mais à part de ça, ça amène pas grand-chose. On a une technologie formidable qui nous permet d'envisager une guerre des étoiles. C'est parfaitement génial. Tout va bien. On a une société technologique qui permet à l'être humain d'être tout à fait libéré de la matière. Au lieu de cela, il se fait ramasser entre deux autos. Alors, on invente le service d'incendie, on invente les services d'urgence santé, on invente la police, on invente l'armée. Et l'une des grosses parties de l'économie, c'est les produits pharmaceutiques qui subventionnent le vivant de l'humain. Quasiment toutes les compagnies, on a une partie, c'est militaire, une partie, c'est pharmaceutique. Une partie, c'est cosmétique. Parce que l'être humain refuse tellement la vérité qu'il se barbe même le visage pour être sûr qu'il se verra pas tel qu'il est. Et le reste, et même à travers toutes ces compagnies, évidemment, le gros pilier de l'économie pollue énormément et détruit l'écosystème de l'homme. Alors finalement, on en arrive à créer des cadres qui permettent à l'humain apparemment d'évoluer, mais qui détruisent en même temps l'humain, et l'humain ne peut plus se passer de ce cadre aussi destructif qu'il est positif. Alors il y a à travers ces sociétés parfaites le viol, le meurtre, l'alcoolisme, la drogue, la musique, qui est une forme de drogue, les hallucinations gustatives, il y a les problèmes scolaires, les enfants qui finalement veulent plus rien savoir de l'école, et puis on sait très bien qu'un enfant qui n'a pas l'instruction sociale d'aujourd'hui ne pourra pas ou se trouver de l'emploi plus tard, ou ne pourra pas continuer à préserver la vie de cette société. Si tous les enfants ne vont pas à l'école, les enfants pourront vivre entre eux, sauf que notre société s'effondrera. Mais ça ne dérangera sans doute pas ses enfants. Ça va déranger nous autres. Alors, évidemment, on leur botte le derrière pour qu'ils aillent à l'école. Alors, finalement, après avoir passé sa jeunesse à préparer sa vieillesse, l'humain passe sa vieillesse à regretter sa jeunesse. Et puis, l'humain cherche le bonheur à l'intérieur de ce phénomène. Et alors, il s'en remet à des religions, des théologies, des concepts cartésiens ou émotifs, intuitifs, où on a des dieux qui, depuis des milliers et des milliers d'années, leur promettent des paquets de choses. Il faut croire que les dieux sont très politiciens. Presque tout ce qu'ils promettent n'aboutit jamais. Alors, on a eu différents peuples élus. On a eu le peuple d'Israël, évidemment, qui est le plus connu du côté catholique. Un peuple qui, un jour, aura un roi. Et ce roi est apparemment venu. Il n'a pas sauvé le peuple juif. Les juifs ne prétendent que ce roi n'est même pas encore venu. Donc, ce roi n'a pas sauvé ce peuple. Et ce roi, apparemment, s'adresse maintenant au peuple des gentils. Alors, le roi des Juifs ne sauve pas les Juifs, mais sauve les gentils, les chrétiens et les catholiques. Parce que les Juifs ne reconnaissent pas l'autorité messianique du Nazaréen. Et ce Nazaréen, il est venu sauver le monde. Mais 2000 ans après, le monde est encore perdu. Alors, il les a sauvés ou il va les sauver. Si c'est dans 3000 ans, pourquoi il est venu vers 2000 ans? Bouddha est venu sauver une partie de l'humanité. Il a parlé de la libération des réincarnations successives, la naissance et souffrance, la mort et souffrance, la vie et souffrance. Alors, cessons de vivre, cessons de mourir, cessons d'être, cessons de naître, et on ne souffrira plus. Autrement dit, cessons de savoir qu'on souffre, on pensait qu'on souffre pas. Il a inventé la voie du juste milieu, où en fin de compte, chacun est dans le juste milieu de ce qu'il fait. Et ce juste milieu est nécessairement décentré par rapport au juste milieu des autres. Fumer un paquet de cigarettes par jour, c'est le juste milieu, quand tu fumes un paquet de cigarettes par jour. Mais si tu fumes un carton par jour, c'est le juste milieu, quand tu fumes un carton par jour. Puis si tu fumes pas pantoute, c'est le juste milieu. Alors, chaque être humain peut maintenant se battre, partir dans des croisades mirobolantes pour taper sur la tête des autres, pour leur enseigner la paix, et s'ils ne veulent pas comprendre la paix par la paix, ils la comprendront par la guerre. Alors finalement, les avatars avaient tort. Ils sont passés sur la planète à instruire l'homme. Ils ont laissé le Tao de King. Ils ont laissé le Yin et le Yang. Ils ont laissé la voie du juste milieu. Ils ont laissé les 20 commandements. Je répète que Moïse a échappé une table. Alors, il n'en restait que 10. Et on a toute une science intuitive, émotive, cartésienne, technologique pour essayer de supporter la misère humaine. À travers cela, on invente le positivisme, pathologie, disons, antipode au négativisme. Ne voyez pas la réalité, soyez positif ou mangez les fraises. Alors, la théologie, c'est quoi? C'est croyez, espérez. Voyez pas la réalité, mes amis. Espérez qu'un jour, Dieu se réveillera. Ouais, tu vas être sauvé à un moment donné. En l'an 2000, Dieu va venir sauver l'humanité. Ceux qui meurent avant, on fouillera dans les livres, on checkera ce qu'ils ont fait. Vous savez que l'administration perd beaucoup de papier. Alors imaginez-vous ce qui pourrait arriver après des milliards et des milliards d'humains, et d'actions, et d'écosystèmes, et d'intermanipulations. Un jour, par les circonstances, tu es poussé à faire un acte que dans d'autres circonstances, tu n'aurais jamais fait. Alors tu es coupable. Mais l'autre bonhomme puis l'autre bonne femme, ben, elle vivra jamais les circonstances que tu vis, fait qu'elle fera jamais l'acte. Alors elle est innocente. Fait qu'elle va rentrer au ciel, puis tu vas en enfer. Si un jour, tu trouves un revolver à terre, puis quelqu'un t'attaque, puis tu le tues, t'es coupable de meurtre. Si un jour, jamais personne t'attaque, jamais tu trouves un revolver, ben, t'as jamais commis de meurtre. Alors, t'es béni des dieux. Mais si je prends celui qui est béni des dieux, je le fous dans la même circonstance que celui qui est béni du diable, ben, il va faire la même chose. T'as un enfant parfait qui est heureux, qui vit bien, qui fait tout. Alors, les parents sont corrects. T'as un enfant qui est introverti, qui est presque autistique. Puis lentement, ça mine tellement les parents que les parents finissent par le battre pour arriver à communiquer avec. Les parents veulent tellement lui dire qu'ils l'aiment, qu'ils en souffrent tellement de pas être capables, qu'ils finissent par le maudire. Alors eux autres, ben Dieu les a envoyés en enfer. Tandis que toi, qui as été béni des dieux à la naissance, ben évidemment, tu vas aller au ciel. C'est évident. Tu n'es d'une famille de riches, tu voles pas. Tu n'es d'une famille de pauvres, tu as besoin de quelque chose, tu voles des bas. Puis on te ramasse en prison. Tu voles à l'étalage. Tandis que l'autre, à part quelques-uns qui étaient ministres, qui ont besoin de vestons, mais pourquoi pensez-vous qu'un ministre que l'argent vole un veston? Hein? Quand je dis que l'être humain est manipulé, merde, faut s'ouvrir les yeux. L'être humain est manipulé. Ça, c'est un coup monté, un coup barbare de l'intelligence qui crée l'involution. De forcer des choses qui vont trop vite et trop bien à bloquer. Alors, l'être humain peut évidemment s'illusionner que tu vas bien. Es-tu heureux? Ah oui! Ouais, l'esclave est heureux avec ses deux chaînes aux mains, ses deux chaînes aux pieds, mais depuis que son maître le bat plus, il est heureux. Ben ouais, différence de potentiel. Quand tu manges de la marde, tu t'en manges un peu moins, t'es heureux. C'est évident. Tu prends quelqu'un du contexte nord-américain, puis tu le fous en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, avec les papous. Il est malheureux, c'est écœurant. Mais les papous sont heureux. Une différence de potentiel. Prends le papou mêlé ici, il va avoir de la misère à s'adapter. Mais à un moment donné, quand il va se promener, plus avec des guenilles, avec des couches, parce qu'il en faut des extra larges maintenant, il va se promener en ville. C'est heureux, parfait. Remets-le maintenant en Nouvelle-Guinée, suicide. Là, il est malheureux. Alors finalement, l'homme est toujours bien, puis l'homme est toujours pas bien. Sauf que l'être humain, est-ce que c'est de la terre? C'est tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est quand tu t'approches vers de Dieu, Dieu te répond, recule poussière avant que je te renifle. C'est pas vrai ça. L'être humain, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'être humain, c'est fondamentalement rien? Une bébite qui marche un bout de temps à quatre pattes, un bout de temps à deux pattes, un bout de temps à trois pattes, un bout de temps il marche puis il rentre. On le porte. Ou bien l'être humain, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, Dieu créa le ciel et la terre. Génial, félicitations. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'il l'a mis dans le même contexte que lui? On sait de plus en plus que l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que tout va mal? Est-ce que tout va bien? Ben, une chose certaine, c'est que l'être humain bafoue régulièrement. Quel que soit le concept fondamental théologique ou cartésien ou scientifique, la science qui comprend pas grand-chose, la science c'est l'accumulation de l'ignorance humaine placée dans des livres et légalisée avec des lois naturelles. La science elle prétend que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa faculté d'associer les choses, le cortex associatif. La science dit cela. La théologie va dire que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa faculté d'aimer et d'être relié à Dieu. Un bout de plug, t'es relié à Dieu. Mais quand tu l'appelles, il est pas là, puis c'est quand tu le lâches qu'apparemment, il te fait une apparition. Il te fait pisser un mur, une statue, quelque chose. Il te fait apparaître une vierge quand il manque son coup, le cœur est dehors, comme c'est arrivé avec ça, avec les apparitions mariales. Ben, c'est sûr que l'être humain, il s'en remet à Dieu quand tout va très mal. C'est-à-dire que quand la différence de potentiel est insupportable par sa psychologie, il s'en remet à Dieu. Et puis là, Dieu lui dit que, lâche pas. Tu vas voir. C'est brillant. Mais à un moment donné, il faudra voir. Même l'intelligence supramentale ou l'ajusteur de pensée ou le double éthérique quand il est en constitution. Même les dieux, lorsque tu es dans le problème, tu leur dis, ouais, mais là, je suis malade. Ça fait 3 ans que je suis malade puis j'en vois pas l'intelligence. Fait que dites-moi au moins qu'est-ce qu'il y a. Faites-en pas, on s'occupe de tout. Tout bout. Puis quand tu meurs, faites-en pas, on s'occupe de tout, ça cueille en chaîne. Ouais. Ça va bien, c'est brillant. T'as de l'arthrite rhumatismale, ça fait mal. T'as le sida. T'as la tuberculose, tu souffres d'asthme, tu pleures toujours, tu rougis, t'es faible, tu dors plus, tu dors trop, t'as faim, tu grossis, tu manges pas. Il y a suffisamment de problèmes, je pense, dans l'espèce humaine pour qu'on commence à se poser une question. Est-ce que Dieu est fou? Est-ce que Dieu est un débile? Est-ce que Dieu n'existe peut-être pas? Ou bien si l'être humain a le pouvoir de tout faire, mais c'est lui le débile. Mais il y a quelque chose qui va pas. Ou bien il y a une raison intelligente pour que l'être humain soit omnibulé à apparemment souffrir de l'évolution, c'est-à-dire qu'il est dans un contexte tout à fait stupide par rapport à l'intelligence de l'homme, un contexte qu'on peut appeler l'involution. Y a-t-il des forces d'involution, des intelligences qui ont comme fonction de régir l'absurdité humaine? Autrement dit, tu as besoin d'un petit coup de pied au derrière pour comprendre une chose. Paf, t'en as un, tu comprends, paf, néno. Hé, hey, j'ai compris, paf, ouais, moi, on s'amuse en arrière, on kick. Ça sert plus à rien, là, c'est stupide, paf, continue. J'ai tout compris, paf, continue pareil, c'est vous. Y a-t-il une raison là-dedans? Il y a des maladies intelligentes, il y a des maladies qui anégoïsent l'humain. Trop orgueilleux, on y est malade. Il se prend trop sérieux. Le comptable aura un ulcère d'estomac, le policier fera une dépression à un moment donné. Mais quand tu comprends tout ça, tout va bien, c'est réglé. Je connais une personne, moi, qui a des problèmes digestifs. Alors, elle mange végétarien. Elle digère pas, elle vomit, elle est malade, elle tremble. Alors, elle mange le plus sain possible. Elle n'a rien à faire. Elle mange du porc pas cuit. Ça se digère. Fait que là, on comprend plus. Elle fait un jeûne, elle est malade. Elle va dans des cures thermales, elle est malade. Elle boit, elle fait une vie de débauche. Puis là, c'est correct. Là, elle cesse d'engraisser. Là, elle cesse d'être malade. Là, elle dort bien. Là, elle a l'esprit clair. Là, elle digère bien. Mais elle mange quelque chose qu'il n'y a pas un médecin qui suggérerait. Même un médecin gros de même, il n'oserait pas le suggérer. Il y a un problème quelque part? Oui. Oui. C'est bon, la vie, génial, la vie, c'est parfait, la quand vie. Quand on me dit l'intelligence. Oui, à sa santé. Ça a l'air de quoi, ça, cette affaire-là, l'intelligence? J'ai travaillé 5 ans pour Urgence Santé. À un moment donné, on va dans le métro, métro P9. Quand l'Urgence Santé demandait dans un métro, c'est parce qu'il y a une personne âgée qui a déboulé, qui a descendu des escaliers assis. Peut-être une fracture du col du fémur ou quelque chose comme ça. Ou encore, il y a une personne qui a voulu passer un peu trop vite dans le tourniquet, puis qui a voulu passer entre le tourniquet, puis le tourniquet a décidé qu'elle restait là. Ou bien, il y a une personne qui s'est fait taper la tête des portes. Ou bien, des fois, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller faire de la mécanique en dessous des wagons. Sans faire exprès. Bon, sans faire exprès, ça va de soi. Il n'y a pas un être humain qui va se garocher en bas d'un wagon de métro. T'sais, normalement, on se garoche quand les portes sont ouvertes. Soit pour sortir, soit pour rentrer. Mais c'est bien rare que tu peux passer avant. Il y a des clowns qui font ça. Ils sautent en avant du conducteur, ils font une grosse grimace. Puis ils sautent. Quand ils peuvent. Alors, à un moment donné, ben, c'est ça, c'était une jeune fille, elle avait 17 ans, elle venait de se trouver un emploi, il était 6 heures du matin, elle s'en allait travailler, la vie était belle. C'est un suicide. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été poussée, elle était presque tout seule, elle vient se placer, je ne vous montrerai pas les recettes, mais il y a moyen de s'organiser pour que le contrôleur, tout ce qu'il puisse faire, c'est... Alors, bing bang, pic, paf, paf, ça roule un bout de temps en dessous, puis là, tu vas la chercher. Évidemment, ça s'en va à l'hôpital Morgue de Montréal. Tu essaies de comprendre l'intelligence. on réussit à rejoindre ses parents, et puis pour confirmer c'est qui, pour avoir une idée de l'identité. Évidemment, par téléphone, on ne sait pas ce qui se passe. Tout va bien, c'est le bonheur, c'est la perfection, c'est correct. Alors, c'est quoi l'intelligence qui pousse une jeune fille de 17 ans, qui se garoche en avant des wagons de métro? Quand tu es correct? Tu vas dire, oui, mais peut-être que t'es bien malheureuse. Le malheur est question de différence de potentiel. Donc, elle ne peut pas être bien malheureuse. Dernièrement, j'écoutais une émission de radio qui parlait du vide. Tu sais, t'as besoin d'amour, t'es en tête tout partout, puis tu n'as jamais assez. C'est question de différence de potentiel. Il y a une raison là-dessus. Il y a quelque chose qui va pas. Mais est-ce que c'est dans l'humain que ça va pas? Ou bien non, c'est pas le cul de Dieu qu'il faudrait botter à un moment donné. Ouais, ça semble... Bon, l'humain se frustre quand je parle comme ça. Tu sais, Dieu est bon et parfait. Oui, on le sait. Regardez le monde. Mais ça existe-tu, botter le cul à quelqu'un d'autre qu'à soi? Je te rappelle, on était allé au Pérou. À un moment donné, on a rencontré un animal humain assis dans un tas d'ordures. Il chassait pas les mouches, il les ramassait puis il les mangeait. Et puis, il y avait des vers. Le tas d'ordures, juste pour regarder ses puets, tu t'approchais un peu, c'était réellement... Mais lui, t'es assis dedans. Non, les cheveux secs, ben drette comme ça, là. Et puis, il était à côté sous sa chemise. Il était assez sale pour le tenir. Puis, il mangeait. Puis, c'est des rebuts qui traînent là-bas à 130 à l'ombre, et fait froid. Bon, parce qu'on s'est plaint deux fois du monde qui faisait chaud, puis ils nous ont dit non. L'été, il fait plus chaud que ça. Il faisait du jogging avec un petit manteau, petite veste, le chapeau. Ouais, le truc, c'est ça. Puis nous autres, on était en tout nu jupe. Puis, on dit franchement, on arrosait les cheveux. Bon. C'est un être humain, apparemment. Enfin, c'est un véhicule biologiquement, héréditairement, génétiquement, d'apparence humaine. Mais ça, tu peux prendre un tournevis, puis aller jouer dans les orteils, puis lui, ça lui font rien. Problème, là. Oh ben, la vie est belle. Il y a des vers qui le bouffent, il le sait pas. Il pense que ça fait partie de lui. Au dit point vert, c'est comme s'il arrachait un œil. Il s'identifie à ses vers. Dieu a créé le monde. Parfait. Mais ce bonhomme-là, il n'a pas commis de péché. Il est venu au monde d'une famille, qui est venu au monde d'une famille, qui est venu au monde héréditairement d'une famille, qui finalement ne peut pas faire autrement que de manger des boîtes de conserve. On remarque qu'aujourd'hui, la boîte de conserve est peut-être meilleure pour la santé que ce qu'elle contient. Bon. Mais il bouffe des cochonneries. Alors, on peut se poser la question, le monde est-il parfait? Qu'a-t-il fait, lui, pour vivre l'enfer sur la planète? Les férus de réincarnation qui comprennent rien au processus karmique vont dire, c'est parce que dans une autre vie, ce territoire-là a toujours été un territoire comme ça. Les deux tiers de la planète sont des territoires comme ça. C'est pas dans des territoires de même que tu peux commettre du mal. Le mal est tellement là que tu peux pas en commettre ben. Tu vas tuer quelqu'un, c'est un meurtre. Oh ouais, les scorpions, les maladies, en tuent régulièrement tous les jours. Alors, franchement, entre ouais. Moi, un de plus, un de moins. Tu sais, ah oui, mais l'homme ne doit pas. Parfait, tue-le pas. Laisse-le faire, il va mourir pareil. Tu sais, à 30 ans, ça meurt. Puis ça meurt malade. Alors, c'est extrêmement intéressant. On est dans un contexte hyper luxueux, hyper... J'ai rien contre la luxure, contre, disons, l'intelligence de la technologie. D'ailleurs, il n'a pas encore assez. Il faudra l'avancer un peu. Sauf qu'en attendant, nous, on peut bien parler d'un dieu bénéfique et correct. Mais les deux tiers de la planète sont pas dans la merde. Il y en a qui s'en nourrissent. Il y en a qui n'ont même pas pour s'en nourrir. Il y en a qui sont pires que ça. On peut parler des sécheresses, on peut parler des famines totales, on peut parler de tellement de choses. Il y a un tremblement de terre en 76 au Guatemala, le pays est sous le derrière. Or, le Canada envoie du lait petit pré, du grand pré, du lait que tu peux conserver à la chaleur. En 76, je vais au Guatemala. J'en vois pas de ce lait-là. En 78, j'y retourne, puis dans les magasins, dans les restaurants, ce qu'on me sert quand je commande du lait, c'est ce lait-là. Bon, mais derrière ça, on l'achète, on le renvoie, on va là en touriste, on le rachète pour le boire. La vie belle. Pendant ce temps-là, le peuple a vécu quoi? La guérillera se bat contre l'armée guatémaltèque. L'armée guatémaltèque est entraînée à Panama par l'armée américaine, puis les guerriers roses sont fournis en armes par les armées américaines. Puis ils se battent. Trop bien. On peut s'amuser. C'est très, très, très intéressant, on peut s'amuser comme des fous. On sait que habituellement les criminels ont la vie dure, mais les bons partent plus vite que les autres. Je nommerai pas des noms, mais on a des criminels de guerre nazis qui sont toujours vivants. Luther King, ça fait longtemps qu'il est parti. Gandhi, c'est qui ce Gandhi? Il n'y a pas Gandhi assez longtemps. Il est mort. Tu cherches les bons. Tu les trouves dans les livres d'histoire. Tu cherches la pays racaille. Il y en a plusieurs qui sont encore en vie. Il y a eu un criminel ici québécois. On a fait un film, on en a fait un héros. Ben, c'est intéressant. Ça crée du pep. Oh, la vie, elle est belle, la vie. Regardons la télévision puis les journaux. De quoi on broye, de quoi on se plaint? Ouais, mais c'est la violence! Qu'est-ce qu'ils disent aux autres? Ben, c'est la réplique exacte de nos sociétés. On essaie de faire ça juste. Puis effectivement, c'est juste. Alors, la vie est belle. Il faudra à un moment donné que l'humain commence à penser que l'assujettissement auquel il est soumis doit peut-être cesser. Cesser à l'échelle de la planète, pour l'instant, ça ne regarde pas l'individu, mais cesser au niveau de l'individu. Ou du moins au niveau de sa collectivité familiale. Ou du moins au niveau de sa collectivité professionnelle. Puis finalement, de sa collectivité politique. L'être humain est endormi, ça va de soi. Parce qu'on pense dans sa tête. J'expliquais dernièrement que lorsqu'on dit à l'humain, « Hey, le cave, vas-y pas », l'humain y va. Alors dans sa tête, on lui dit, « Hey, j'y vais pas ». Mais là, il pense que c'est lui qui pense à qui va pas. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Alors, j'aurais dû y aller, tu sais, j'ai eu le feeling que je devais y aller, mais là, j'ai pensé qu'il fallait pas que j'y aille, fait que j'y ai pas été. Il a pas pensé. Dans sa tête, on est venu lui dire, « Hey, j'irai pas. Moi, je suis intelligent, moi, j'y vais pas. » Puis là, évidemment, tu sais, lui, il vient de penser qu'il est intelligent. Fait qu'il pense qu'il est intelligent. Fait qu'évidemment, il pense qu'il ira pas. Puis finalement, il va pas. Puis après ça, quand il se rend compte qu'il s'est fait avoir, il comprend pas pourquoi il a pensé ça. C'est pas lui qui a pensé. C'est simple, il se couche le soir pour dormir, puis il arrive pas à arrêter de penser. Merde, c'est pas l'homme qui pense. L'être humain est trop intelligent pour perdre son temps à penser. La pensée de l'intellectuance est un remue-ménage des mémoires qui occupe l'esprit de l'homme. J'ai qu'à le dire. Ça occupe la place de l'esprit. Mais tant que l'être humain ne veut pas prendre cette place pour mettre de l'esprit, ben nécessairement, il sera sujeté aux forces d'involution. Et il y a une intelligence qui crée l'involution. N'évolue pas qui veut. Et n'évolue pas qui veut. Bien souvent, lorsque tu décides, bon ben là, moi je change, c'est là que les problèmes commencent. Bien souvent, lorsque tu dis j'en ai assez de l'évolution, c'est là que les réponses arrivent. C'est amusant. Depuis que j'ai cessé de chercher, les réponses arrivent. Ça va-tu pas, mon petit? Puis là, j'ai décidé, je voulais comprendre. Je comprends plus rien. Ça va toi, mon petit? Pourquoi? Tant que tu t'occupes pas de ta santé, apparemment, ça va. Commence à vouloir t'en occuper, on dirait que là, les problèmes sortent. Là, on va te dire, oui, mais c'est parce que, tu sais, là, il est temps que tu t'en occupes. Ouais. Mais j'en connais, moi, qui s'en occupent pas, puis qui ont pas de problème de santé. Puis j'en connais un maudit paquet qui s'en occupe, puis une maudite chance qui s'en occupe, sont toujours malades. Qui sait que ça serait, s'en occuperait pas. C'est intéressant. Je veux cesser d'être colérique. On dirait que c'est pire qu'avant. Oui, c'est amusant. Mais à un moment donné, il faudrait botter le cul à quelqu'un. Fais les premiers pas, et le ciel fera le reste. Mais les premiers pas, ça s'arrête où? Tu pars de l'autre bout du monde pour t'en aller jusqu'au centre de la galaxie. Quand tu arrives au centre de la galaxie, tu as fait les premiers pas. Là, on ouvre la porte, tu es rendu. Non, ça serait fait toutes les pas. Mais effectivement, fais les premiers pas et quelque chose fera le reste, ça marche. Maintenant, y a-t-il une direction? T'sais, j'ai déjà dit que pour faire le tour de la Terre, le moyen le plus rapide était de reculer un pas en arrière. C'était rendu. T'as fait le tour. Et celui qui fait les premiers pas par en avant, il va en marcher un maudit bout de temps pour arriver où ce que l'autre a fait un pas en arrière. Fais les premiers pas et le ciel t'aidera. Mais bout de plug, c'est quoi les premiers pas? Alors là, tu dis simplement, mais dites-moi la direction, je suis prête. Tout vendre, tout donner ce que j'ai, je suis prête. Mais donnez-moi une raison intelligente de le faire. Parce que j'en ai connu plein, moi, qui ont tout donné. À des sectes, ou à ceci, ou à cela. Et là, ils n'ont plus rien. Ils ont plus de bien-être, ils ne donnent plus, mais ils n'ont plus rien à donner. Mais il faut croire que Dieu n'est pas venu les chercher encore. Faut qu'ils donnent leur vie, j'en ai connu qui sont morts. Pour changer le monde, ça n'a rien changé. Bref, sont-ils morts pour rien? J'en ai vu des éliminés sur la rosée de pétrole. Pour protester contre quelque chose qui finalement a changé 2 ans après, parce que la personne qui maintenant ça est morte d'un accident d'auto, puis ça a tout changé. Mais elle n'était pas là pour le voir. Alors c'est quoi? À travers tout ça, c'est extrêmement intéressant. On peut arriver à enligner l'idée intelligente de l'évolution, c'est l'intelligence de l'amélioration. L'intelligence du défoulement. Ça, c'est intéressant. Eh, merde! Il se passe quoi? C'est exactement ce qui se passe présentement chez l'humain. Le positivisme, intéressant, ça te permet de voir le monde comme qui est pas, mais plus beau. Mais finalement, tu te fais fourrer encore tout le long de la ligne. Le négativisme, tu le vois bien mal, mais pas comme qui est, tu te fais encore avoir. La foi, la croyance, l'espoir, ça permet à l'humain de pouvoir supporter la merde. Un jour, tu seras propre. En attendant, continue à te salir. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais s'ils sont impénétrables, faut croire qu'on ne pénétrera jamais. Faut-tu enligner une voie humaine? C'est peut-être ça que ça veut dire. L'intelligence, ça existe. Appelez ça comme vous voudrez, ça existe. Mais l'intelligence théologique, appelée Jéhovique, appelée Yavique, appelée Christique, appelée comme on les connaît aujourd'hui, est une intelligence qui est régie par l'intelligence de l'homme. Le Nazaréen instruit à l'humain comment prier. Mon Père qui est aux cieux, etc., etc. Pas dans le ciel, aux cieux. Le ciel, c'est le monde de la mort, dans lequel végète la majorité des dieux humains, et dans lequel l'être humain va se plaire pendant un bout de temps, avant d'être digéré pour être réincarné plus régulièrement dans un autre corps. Mon Père, ou notre Père, parce qu'à l'époque, l'humain était pas assez individuel pour prier tout seul, c'est notre Père. Bon, collectif un peu. C'est correct. Notre Père qui est aux cieux, pas dans le ciel. Blablabla, blablabla, blablabla, bla, bla. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'est un ordre. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Pas, j'espère que ça va arriver. Puis à un autre moment donné, le Nazaréen qui explique à lui-même quelque chose, il leur dit, vous savez, que bien avant de le demander, voyons, vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Passez votre temps à le demander, ça va vous occuper. L'humain peut pas penser que c'est là sans qu'il n'y ait rien demandé. Alors, il demande pour se donner la permission de prendre ce qui est pour lui. Puis après ça, ben, il remercie. Bon, ben, c'est quoi remercier? Remercier, c'est quoi remercier? C'est une vraie perte d'énergie. Tu me donnes quelque chose, je te dis merci. Sinon, tu vas être frustré. Si Dieu est comme ça, il est pas meilleur que l'homme. Ou bien, je te dis merci pour essayer de te têter, de te manipuler de façon à ce que tu continues à me donner. Pensant que t'es suffisamment humain pour souffrir du non-merci. Alors, on remercie Dieu d'une chose qui est déjà là avant même qu'on l'aille demander. Là où deux ou plusieurs individus seront réunis en mon nom. Le nom, j'ai déjà expliqué c'était quoi. On va y revenir prochainement sur les ondes de forme. Mais c'est un condensateur d'énergie. Tu manipules et tu ordonnes des choses. Mais l'humain, présentement, quémande, quête. Il marche à quatre pattes en disant à Dieu, « Aide-moi à me mettre debout. » Un jour, un être humain se promenait à la recherche de son père céleste, son père cieuleste, parce que céleste, c'est pas assez fort. Son père cieuleste, après avoir fait le tour de la terre plusieurs fois, il trouve pas. Il trouve des êtres humains qui disent le connaître. Alors, il rentre avec ces êtres humains-là et il dit, présente-moi-le. Et les humains lui disent, ah moi, ton père vient de parler par ma bouche et... Le bonhomme, il dit, oui, mais peut-il parler par ma bouche? Je peux-tu serrer la main, la patte, la cuisse, pincer l'oreille? Je peux-tu manger un coupier réel? Je peux-tu le rencontrer? Oh non, non, non. Par moi, Dieu passe. Fait que le bonhomme il dit, par moi, Dieu passe, moi aussi je passe. Salut. Il fait différentes églises, différents endroits, différents trucs. Il fait le tour de la terre, il fait les guerres, il fait les grands gourous, les grands vichous célestins. Il fait tout le monde. Puis finalement, les dieux qu'il trouve sont des dieux qui sont frustrables. Un jour, il rencontre un dieu qui le guérit d'un problème au pied. Et là, le bonhomme qui lui a présenté ce dieu lui dit, maintenant, tu dois faire pénitence. Comment faut acheter? La maladie, elle est stupide. Un dieu intelligent devrait la guérir. La maladie, elle est stupide. Je devrais pas acheter l'énergie du dieu. Chaque fois qu'un dieu quelconque me donne quelque chose, je dois me convertir à sa religion. Alors, y a-t-il un dieu qui puisse laisser l'homme libre? Qui le punit pas en lui disant c'est ceci, sinon bang, bang, bang. Parce qu'il y a un dieu, apparemment, qui va sauver l'humain. Et il est dans telle ou telle religion, les autres, tant pis. Même les mormons sont plus que 144 000! Même les Jéhovah sont plus que 144 000! Et ça, tout le monde, et même les chrétiens sont plus que 144 000, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y aura 144 000 élus. Et seul, dans notre religion, vous serez sauvés. Alors, venez! Crime plus qu'il y en rentre, moi, ils ont de chance que ce soit eux autres. S'ils se limitent à 144 000, ils sont sûrs d'être les élus, ils sont trop durs. Mais non, ils en veulent d'autres, il y a des raisons. Ah, il y a des maudites bonnes raisons. Alors, en fin de compte, à travers tout ça, notre bonhomme, il rentre, puis en fin de guise ses cœurs complètement, il décide de se suicider. Il rentre dans un champ d'ordures, ça puait. Il tasse 3-4 animaux humains qu'il mange. Et puis, en donnant un coup de pied à une poubelle, il la renverse, puis là, il découvre son dieu. Dans un tas d'ordures. La réalité. Une réalité qui lui dit simplement, parce que là, en rencontrant son père, il lui dit « Père, père, je te recherche depuis belle lurette et un peu avant, et puis... « Je veux faire ta volonté! » Et bout de plug, dites-moi là. Et puis là, le père, il répond, « Tu veux faire ma volonté, alors que ta volonté soit faite. » C'est évident. Mais l'humain est trop petit, présentement, pour supporter cette réalité. Dieu, ou ce que l'être humain appelle Dieu, il veut faire la volonté de l'homme. Il n'a pas d'autre choix dans le monde de la matière que de faire la volonté de l'homme. Mais l'homme s'est créé un réceptacle mirobolant, une illusion théologique émotive, des dieux célestes, qui finalement sont créés par la mémoire satanique ou exprimés de l'émotion et des événements humains, des contingents événementiels, historiques. Et à travers cela se crée ma race où les dieux se battent là-dedans puis ils font battre les humains sur la planète. Ou un dieu demande ceci, un dieu demande cela, faut que tu aies usé tes culottes neuves, ces marches de pour grimper jusqu'à une guérison particulière, monter dans un temple matériel. La réalité ne peut pas être contenue sous un toit, mais bâtissez des églises. Tu ne feras pas d'images sculptées ou taillées représentant des choses du ciel ou de la terre, mais on vend des icônes, puis on adore des crucifix ou des idoles. Toutes les lois de toutes les théologies célestes sont continuellement bafouées par ceux qui les adorent. Puis il va pas le dire. Ça se fait crucifier. Alors comment pouvons-nous continuer à vivre dans un monde tout à fait contradictoire, où il y a le « aimez-vous les uns les autres » Puis à travers cela, ben évidemment, tu as le droit de... Ne tiens pas avec les putains, avec les tireurs de cartes, avec les cartomanciens, avec les voleurs. Mais aime tes ennemis comme toi-même. Bref, tiens-toi pas avec toi-même. Chaque religion a ses lois et chaque adepte de ses religions bafoue les lois. Il faut croire que pour que Dieu t'aime, faut que tu bafoues ses lois. Tu honoreras ton père et ta mère. Ils te volent, ils te battent. Pose-toi la question. Honore ton père et ta mère. T'es chrétien, pratiquant, bon chrétien. Ça veut dire que t'haïs les juifs. Tu honores ton père et ta mère qui soudainement décident de rentrer dans les témoins de Jéhovah. T'es honores comment? Ton père et ta mère te disent, viens avec nous, lâche les chrétiens et rentre dans les témoins de Jéhovah. En tant que chrétien, t'honores ton père et ta mère en les suivant. Mais si tu les suis, t'es plus chrétien. Puis tu dois adorer qu'un seul Dieu. Oh, j'y suis bien fait. Tu rentres à l'église, tu montes sur l'autel, tu prends la grande croix qui est là, qui a coûté je ne sais combien d'assiettes, tu la brises devant les fidèles qui sont dans l'église, et ceux-ci te battent à mort. Aimez-vous les uns les autres, qu'ils prétendent. Ne faites pas de représentation. Tu viens de la briser, là. Donc, tu accomplis une loi de cette église. Les fidèles, y compris le prêtre, y compris tout ce que tu voudras, vont te taper dedans. Et chercher les lois religieuses, quelles que soient les lois religieuses, finalement, pour bien être vu d'une religion, d'une théologie, d'une secte, il faut bafouer ces lois. L'intelligence a permis toutes ces choses. Ben, ça va toi, l'intelligence permet cela. Mais l'intelligence n'est pas là. Ah oui, elle est là. Elle n'est pas dans ces choses-là. Elle est dedans. L'intelligence crée l'involution. La première réponse à cela serait, est-ce que l'être humain évolue trop vite? Est-il plus puissant que prévu par les hiérarchies qui l'ont créé? Qu'est-ce que ça veut dire, être plus puissant? Être puissant, cela veut dire être capable d'arriver avant son temps dans un endroit non créé. Trop vite. T'es un homme d'affaires mirobolant. Tu veux créer, mais t'as pas l'argent. La société est pas prête. Tu es anachronique. Tu es avant ton temps. Léonard de Vinci était avant son temps. Hiram Abiff était avant son temps. Puis il y en a eu un mot de paquet qui était avant leur temps. Mais lorsque la société devient avant son temps, mais le temps de qui? On va dire, oui, mais si tous les êtres humains sont dans leur temps, la vie est belle. Y a-t-il des hiérarchies quelque part qui vont souffrir de voir l'être humain avancer plus vite qu'eux? Trop vite. L'enfant est présentement, la majorité des enfants sont nouveaux. En ce sens que la majorité des enfants sont capables de parler d'un savoir instantané, c'est-à-dire que la majorité des enfants, s'ils ne sont pas trop écrasés par l'homme ancien ou transitif, sont capables d'amener des choses neuves. Et l'humain va dire, oui, mais où c'est qu'il a pris ça? Il a pris ça là où ça se trouvait. C'est bien simple. Les enfants sont capables d'intelligencer les choses. Les enfants sont capables de savoir que tu as tort ou que tu as raison. Que la raison que tu donnes pour l'obliger à faire quelque chose est émotive et non logique. Les enfants sont maintenant capables de résister à l'adulte. Ils auront un regard qui sera difficilement soutenable. Ils auront même une parole. Tu pourras les chicaner à un moment donné, ça va rien donner. Ce sont des enfants nouveaux. Ces enfants sont nouveaux et dans un cadre hyper ancien où on les massacre presque. Il y a énormément d'enfants nouveaux qui se suicident parce que voyant juste trop, mais juste passé, ils peuvent pas supporter la condition dans laquelle ils sont. Exactement. Il y a l'homme ancien, la femme ancienne qui se dit, bon, alors moi, je veux les aider. Et instantanément, on va leur donner juste ce qu'il faut pour les écœurer. On a l'éducateur, le pédagogue qui dit, bon, ben moi, je veux maintenant faire quelque chose de correct avec les élèves que j'ai dans ma classe. Immédiatement, ben, le prof de la salle d'à côté va commencer à te crier des mots par la tête. Tu sais, tes élèves, là, ils ont du fun dans ta classe, hein? Ben, les miens, là, ils n'ont pas. Puis moi, c'est une classe sérieuse. Puis là, parce que les miens, ouais, les tiens s'amuser, là, ils commencent à niaiser. OK? Puis ça, c'est de ta faute. Ça va bien. J'ai connu, moi, un professeur absolument génial. Ils l'ont mis à porte. Son problème, les élèves l'aimaient. Puis quand les élèves aiment quelqu'un, les enfants, quand ça aime un adulte, ça a du fun avec. Mais quand ça a du fun avec, ça le respecte aussi. Sauf que dans les autres classes, on voulait avoir du fun avec le prof. Mais le temps d'adaptation à le respecter, ce prof-là s'organisait pour que les élèves puissent pas le respecter. Alors nécessairement, il y avait un problème. Tous les profs, on a réglé le problème, on a mis le gars correct dehors. Plus de différence de potentiel, plus de problème, les élèves ont plus de points de référence, tout redevient normal, les élèves sont heureux. Esclaves, soumis, mais vu qu'ils savent pas, ils sont bien. Il y a même des êtres humains qui ont le culot de venir me poser une question. Ouais, mais tu sais, si on comprend rien, on est bien mieux. Alors pourquoi tu cherches tant à vouloir poser des questions pour réveiller les humains? Ben oui, tu vas te crever deux yeux, tu vas te percer deux tympans. Plus de problème d'inesthétique, plus de problème de trop de bruit. On va te démolir le goût. Tu mangeras n'importe quoi, plus de problème de goût. C'est parfait. C'est le bonheur total. On détruit les parties olfactives. Je peux péter à côté de toi, ça te dérange même plus. Tu es altérable par aucune condition. Il y aura une guerre nucléaire, tu ne seras même pas. Les bombes vont tomber, tu ne te dérangeras pas. C'est impeccable. C'est le bonheur. Il n'y a pas un humain qui va vouloir perdre ce qu'il a présentement, même si ça le fait souffrir. Tu ne vois pas quelqu'un que tu aimes mourir. Tu ne sais même pas. C'est le bonheur. Ton chien se fait écraser par le bulldozer du voisin. Parfait. Tu cherches le chien, on achète un autre. Parfait. C'est le bonheur. C'est pas le bonheur. L'humain qui naît avec aucun sens comme ça, ben évidemment, il souffre pas. Il souffre pas, faut s'entendre. Il va souffrir autant que l'humain qui voit tout. Mais le bonheur, c'est de l'inconscience. Ouais. C'est pour ça que je dis que l'homme nouveau ne sera jamais heureux. Mais il ne sera pas malheureux. Il va vivre une condition au-delà du bonheur. Le bonheur, c'est de l'inconscience. Quand tu oublies tes problèmes, t'es bien. Ça veut-tu dire que t'as pas de problème? T'as mal quelque part. T'as mal. Tu vas voir le médecin, il dit là pour l'instant, j'ai pas le temps. M'a donné des calmants, on revient d'une semaine. Si les calmants font effet, Le trois quarts des patients reviennent pas d'une semaine. Du moment que tu sens plus, t'es plus mal, tu vas bien, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est de l'inconscience. Et c'est pourquoi plus l'être humain se conscientise, plus apparemment il souffre. Tant qu'il n'aura pas compris les principes qui créent l'involution. On a parlé de la souffrance qui servait à créer une espèce de nuage tampon, obligeant à des hiérarchies célestes à ne pas savoir où est la planète expérientielle, la planète laboratoire où on est en train de bâtir un véhicule qui pourra supporter une supra-énergie que l'humain peut appeler Dieu, ça lui plaît. Le créateur. Mais pas les dieux que l'humain connaît, parce qu'un dieu intelligent n'a pas besoin d'être adoré. Il est recouvert d'or. Il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'importance. L'humain a besoin de se faire donner de l'importance. Les rois en avaient besoin à l'époque, et nécessairement on bâtissait des hiérarchies célestes à partir de ce que l'être humain connaissait sur la planète Terre. Mais il faut croire que tel que c'est parti, et tel que c'est parti depuis quelques années, depuis disons quelques 3 ou 4, même disons 30 millions d'années, ben c'est pas génial. C'est pas brillant. Toutes les fois qu'on arrive à éliminer une maladie karmique sur la planète, il y en a une autre qui nous pousse en plein visage. Le sida n'existait pas à l'époque de la tuberculose, la bonne vieille tuberculose. Il n'y a plus de tuberculose. Bon, maintenant, il y a le sida. La vie est belle. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? La science, elle progresse. Hey, la maladie aussi, ça ne le dit pas. Hein? Et finalement, c'est le même phénomène au niveau des guerres. À un moment donné, on avait le voisin sur son bateau, il prenait une brique, un gars fort, il tirait ça sur son bateau puis il coulait. Alors, on a mis une petite armure de cuivre. Fait que la brique rebondissait. On a inventé l'obusier. Ça perçait l'armure de cuivre. Alors, on a inventé le bronze. On a mis un peu plus épais. Oh, on a inventé l'obus un peu plus gros. On a trouvé l'acier. On a mis de l'acier. On a inventé le canon. On a mis ben de l'acier. On a inventé les ogives creuses. Ben là, on a inventé de l'acier trempé. Bon, on a inventé encore des obus plus puissants. Là, on est rendu avec des alliages composites. Bon, on est rendu avec des bombes nucléaires. Le char d'assaut, il n'est pas détruit. Ceux qui sont dedans sont cuits. On invente des abris antinucléaires. Bon, des bombes à neutrons. Ça réussit à bien traverser. Ben vite, on aura des bombes aux neutrinos. T'sais, tu mets 100 années-lumière de plomb, ça traverse. Oui, ben. Ou des guerres bactériologiques. Fait qu'il n'y a pas de problème. Protégez-vous, mes amis! Ça fait avancer la science. Ah ouais, t'as fait qu'il y en a un qui se protège, on invente un arbre pour le détruire. Fait qu'il se protège, on détruit, il se protège, ça fait avancer la science. Puis l'économie. Mais c'est pas la science qu'on fait avancer. On fait avancer la science. Les guerres font avancer la science, les maladies font avancer la science. Mais ce serait pas plutôt de dire on fait avancer l'homme? Bon, on fait avancer l'homme, remarquez bien. L'être humain a les mêmes problèmes émotifs et évolutifs que Belzébuth en avait au début de la création ou que Salomon en avait. Exactement, mais là, on le fait avancer sur un plan. Pourquoi qu'il avance pas? Il avance. D'autres plans? Il avance. Il avance, mais il est toujours de plus en plus sensible, de plus en plus perturbé, de plus en Non, non, non, il n'est pas de plus en plus perturbé. Excessif. Non, il est perturbé sur un autre niveau, mais il n'est pas de plus en plus perturbé. Si un jour on vous donne la possibilité de traverser les murs et de voler, ça veut dire marcher sur les eaux, ça veut dire nager dans la terre, hein, traverser les murs, c'est pareil, un mur debout, un mur couché. Bon. Alors l'humain va être parfait, c'est au bout, il va pouvoir partir, s'en aller, visiter le monde, il y aura des collisions dans les airs, marquez bien, enfin, okay, bon, c'est voler en état d'ébriété, pas un cadeau, pas en tout cas. Et l'être humain va être heureux. Libéré des contraintes spatio-temporelles limitatives des véhicules automobiles ou des petits avions qui vont à la vitesse d'un pou, là, Mach 3, Mach 4. Ça va être parfait. Ah, l'humain va être heureux. Ben, l'humain va être aussi malheureux. Parce que ça sera pas long que l'humain va avoir été partout où il va vouloir avoir voulu aller. Alors, à un moment donné, au lieu de s'ennuyer dans sa grande maison, il va s'ennuyer dans sa petite planète. Il va s'ennuyer pareil. L'humain va avoir une expansion au niveau de son écosystème d'évolution, puis il n'aura rien changé chez lui. Rien. Alors, à un moment donné, ben, il est temps qu'il se passe quelque chose sur le plan de notre planète. Je fais des conférences, je peux presque dire que je suis ici pour botter le cul à certaines entités. Les choses se font lentement, pas trop vite. 87 tire vers la fin, 88 s'en vient, de plus en plus l'humain est prêt, de plus en plus il y a de l'intelligence dans l'âme, et de plus en plus il faudra que l'homme comprenne que le « qu'il en soit ainsi » devienne autre chose. Mais... que le « qu'il en soit ainsi » s'il vous plaît, tu sais. Regarde l'absurdité. Daniel, peux-tu me mettre de l'eau là-dedans, s'il vous plaît? S'il vous plaît veut dire quoi? T'as pas le choix. Le parent qui dit à son enfant, amène-moi ça. Oh, j'ai pas le temps. Éric, amène-moi ça, s'il vous plaît. L'enfant qui ose dire, moi, mais tu me dis, s'il vous plaît, t'sais, si ça me plaît, ça me plaît pas. Fait que va le chercher. Quelle insulte! Pourtant, s'il vous plaît, c'est ça? S'il vous plaît, ça veut dire, t'as le choix. C'est pas. C'est comme lorsque Dieu donne le libre-arbitre à l'humain. Le choix du bien et du mal. Tu peux faire ça ou ça. Si tu fais ça, je te fous en enfer éternellement. Mais t'as le choix. Choisis. La souffrance éternelle va te faire pousser des boutons. C'est l'enfer, c'est un terrain de golf, pas de balle. Je dis. Alors, t'as le choix. Tu sais, mon petit gars, t'as le choix. Tu peux aller là, puis je te bats à coups de strap. Parce que je t'aime, évidemment, c'est sûr. Puis tu peux aller là. Puis la porte, là, est barrée, tu sais, mais je te fournis les clés, c'est juste pour que tu y ailles pas. C'est pour bien tester ton libre-arbitre, tu sais, ta possibilité de discerner le bien et du mal. Je te fous un arbre, le plus beau, puis je te dis, mange-en pas. Puis je mets les fruits juste à ta hauteur, là. Puis en plus, je t'envoie 3 ou 4 personnes pour te convaincre d'en manger. Mais mange-en pas. Je suis un bon père pour toi. Moi, un père de même, j'ai pas de cul. Ben ouais, Christy, il faut se réveiller à un moment donné. Il y a quelque chose qui va pas dans la constitution psychologique, émotive, théologique de l'homme. Un dieu comme ça, ça se peut pas. Donc, l'homme a rien compris. L'homme comprend encore rien. Puis l'homme s'attache à la sécurité de rien comprendre. Puis toute la mécanicité évolutive, cartésienne ou théologique qui l'anime, est une mécanicité qui lui dit... Ouvre les yeux, puis quand tu vois pas, pense qu'ils sont ouverts, puis que tu vois bien. Pense pas que t'es collé sur un mur, tu sais, pense que c'est le monde. Puis quand tu veux regarder ailleurs, puis tu vois des étincelles, des lumières, ben moi t'envoyer quelqu'un pour te dire, « Hey, pour qui tu te prends? » Pas là, faut regarder, reste drette. Sois collectif, sois comme tout le monde. Quand toute la gang va vouloir regarder là, tu regarderas. Mais toute la gang peut pas se virer en même temps. Principe de la collectivité, c'est que l'être humain est collectif. Les moutons, c'est collectif. C'est pas. Toutes les moutons ne virent pas ensemble. Il faut qu'il y en ait un qui vire, puis il y en a 2 ou 3 qui le suivent, puis la gang finit par suivre. Mais dans l'évolution théologique de l'humain, quand il y en a un qui se vire, c'est la gang saute dessus pour la replacer. Les moutons font pas. Ce qui fait que nécessairement, merde, on attaque tout le monde! J'ai rencontré des humains qui me disaient, moi, je veux bien évoluer, tu sais. Mais quand tout le monde aurait évolué, tu sais, j'évoluerais. En attendant, moi, je vole, je pique. Tu sais, moi, je deviens pur et beau et parfait, tout le monde est laid. Ils vont me faire avoir tout le temps. Quand ils auront changé, je changerai. C'est brillant, ça. Fait que s'il y en a un qui change avant toi, oh, m'a le siphonné. Brillant. Tu es obligé à revenir. Alors, tu sais, effectivement, faudra à un moment donné qu'on réinvente la religion. Le Nazaréen est passé ici, il a tout fait pour se faire crucifier, hein, il a bien organisé ses flûtes, il s'est bien ajusté aux humains, il leur a dit, oui, allez à l'église, allez vous faire pardonner par le prêtre, demandez à Dieu qu'il vous pardonne. Sauf qu'avant d'aller à l'église, passez chez le gars ou la fille, avec qui vous avez un problème, puis réglez ça avec lui. Puis après ça, si vous restez temps, vous irez à l'église. Parce que pardonner du ressort de l'homme. Oh, l'humain a dit, ah oui, c'est au bout, c'est au bout, c'est au bout, c'est au bout, c'est au bout. Mais tu sais, mais je suis pas pour aller voir le voisin, tu sais, j'ai volé sa montre, puis là, moi, aller, tu sais, qu'est-ce qu'il va penser, qui c'est qui. Moi, aller voir Dieu à la place. Un jour, vous ferez les mêmes choses que moi et même plus. Puis l'humain s'est dit, oui, un jour, un jour, un jour, pas de suite, un jour. Ah, c'est pas le temps, là. Ben non, tu sais, de suite, quand même, on peut plus commencer. S'il y en a un qui commence à marcher ses eaux, qu'est-ce que le monde va faire? Ils vont analyser la structure de l'eau, ils vont fouiller en tout, voir si c'est pas du plexiglas, ils vont lui donner de la marde, ils vont dire, ils vont demander pour qu'il se prend. Il y en a un paquet qui vont se coller dessus pour se faire guérir. Marche chez eux, donc il guérit, tu sais. Un bateau, ça guérit. Ça marche sur l'eau. Évidemment. On récupère. Alors, le Nazaréen, il est tout fait pour se faire crucifier. Et puis il est mort sur la croix. Juste pour vous dire comment l'humain est dangereux. Ou comment l'intelligence qui crée l'évolution est dangereuse. Chose certaine, c'est que l'humain doit cesser de trouver le monde beau et pur. Et parfait. Il n'est pas impur et laid. Il est ce qu'il est. Mais, l'être humain a de l'intelligence. L'être humain est capable de comprendre des choses. L'être humain est capable d'envisager des futurs possibles. L'être humain est capable aussi de comprendre les modifications écologiques qui seraient nécessaires à l'amélioration de sa condition ou de la condition humaine. Dernièrement, je faisais une émission de télévision, puis un caméraman dans tout le lot complet, qui lui, il est bénévole. Il vient me voir et dit, ils n'ont pas de type pour les bénévoles. Je dis, non, pas de type pour les bénévoles. Oh ben, je commence à être écœuré en maudit. Moi, je passe mon temps à travailler, je suis au bénévole. C'est pour ça que je ne donne pas de type, mon gars. Écœure-toi suffisamment pour commencer à se faire payer. Non, ouais. Mais tous les autres bons samaritains, qui, ben, les autres, ils vivent pauvres gars, pauvres types. On lui donne du type. On lui donne du pourboire. Il reçoit la gueule, c'est pourboire. Ben ça vient de là pour ça. Là maintenant, moi je leur dis c'est pour niaiser. Parce qu'en fin de compte, tu sais, mon débuff, il niaise. J'ai dit au gars, ben non, tu es sur le bien-être social, tu fais du bénévolat dans l'espoir qu'un jour le boss te découvre. Mon pauvre gars. Si le patron est un patron ancien, ce qu'il doit être, fait 2 ans des bénévoles, t'engageras pas. T'es un gars, parfait. 3 heures du matin, l'émission de télévision, appelle pas les syndiqués, appelle le CAF. « Hey, le gars, j'ai une émission à faire, ben plate, viens-tu? » Le gars, bénévole, il vient. Mais les autres, ils viennent pas, les autres sont payés. Ils viennent pas. Fait que le gars, j'ai dit non, pas de type. Tu vas être suffisamment écœuré, tu lâcheras le job, eux autres s'organiseront pour en engager à un moment donné. Ben c'est exactement le même phénomène. L'être humain peut aider l'être humain en cessant de lui nuire. Là, ça arrête l'aide que l'humain peut porter à autrui. Cessez de lui nuire. Il y a un pays sous-développé où le monde meurt comme des mouches. Mais ici, on les tue, les mouches. Là-bas, on veut les sauver. Alors, on envoie de l'argent. On envoie de l'argent. On envoie de l'argent. Puis qu'est-ce qu'on fait? On dit au gouvernement du pays, continue, mon gars. Continue, ce cher gouvernement. Continue, exploiter ton peuple. Aide-les pas. On s'en occupe, nous autres. Fait que le gouvernement de ces pays-là, il change pas. Oh, c'est sûr qu'une rébellion, une guerre civile, ça tue des gens. C'est ça. Continuons à les faire vivre dans la misère, à les rendre karmiquement dépendants de nos sociétés. Si un jour l'Angleterre aurait été aidée la France n'aurait jamais fait de révolution. Mais la révolution était essentielle. Si un jour les États-Unis d'Amérique ne se seraient pas libérés de l'Angleterre, il faut qu'un peuple, un jour, se prenne en main seul. De quelle façon? Ben, quand il va être écœuré d'être écœuré, il va faire quelque chose. Si on regarde comment on fonctionne, nous autres. Ton fils, ta fille, il déménage. Il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. S'il est bien ancien, 30, 35 ans. Pas de même. Bon. Mais là, pauvre petit, on va aller peinturer sa maison, sa muse. La mère est bonne pour ça. Alors on fait le ménage. Hein, tu sais, déménage 3 fois par année, elle a fait 3 fois ménage. On n'a pas le temps, pauvre petit, travail. La mère aussi, elle travaille mal le temps, elle, tu sais. Elle peinture même, des fois. Elle achète de bons petits cossins. Ben oui. Mais à 35 ans, il faudrait que la mère continue. Oui, mais je veux pas qu'ils vivent la misère que j'ai vécue. Comment t'as appris? Oh, je suis passé par bien des mauvais quarts d'heure. Alors, interdis pas à tes enfants d'apprendre. Puis ça, l'humain comprend pas cela. Il passe son temps à être assujetti à une force d'involution. Il veut empêcher autrui de se développer. Alors, quelqu'un a de la misère. Immédiatement, émotivement, les humains sont pognés. Puis là, on veut l'aider. On l'aide pas. Il commence à être suffisamment écœuré de sa condition aberrante d'être humain Il y a d'intelligence dans l'individu. Appelez ça Dieu si vous voulez, mais il y a quelque chose. Puis moindrement que ça, ça commence à être en bas, ouais, pour pouvoir sortir, on vient l'aider. Oh. On le supporte. Descends pas plus bas, tu risques de voir Satan ou Dieu. Mais si tu le vois, nous autres, on va avoir peur. On va être jaloux. On va te dire que, alors on te remonte. On te donne de l'amour, on te donne de l'énergie. On te donne tout ce qu'il faut pour pas que Dieu intervienne. De cette façon-là, ben t'es comme nous autres. Tu sais, on va rentrer au ciel, mais tous ou pas tous. Les portes du ciel, apparemment, sont plus petits qu'un choix d'aiguille. Si on veut rentrer en gang, il faut qu'on pousse en tant que nous. On va poursuivre lors de la deuxième partie. Vous pouvez poser des questions sur papier sur le sujet de ce soir ou sur n'importe quel sujet. De toute façon, je vais revenir avec les moyens d'arriver à comprendre l'intelligence pour qu'il se passe quelque chose d'autre. Merci, Daniel. Je disais donc qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient.